Même pas 10 piges qu'on sait que la mort guette la rue m'a bordé. Ma ville regorge de faits divers et mon prénom trop dur à porter. J'ai fait les 4 sans coup, faut pas que je parte sans vous pour ça. Je me bats, je voudrais rattraper le temps, mais pas le temps pour moi aussi. J'avais des frères avant qu'ils partent en couille. Toutes les larmes qu'aurait dû sortir, on les garde en nous. Comment garder la pêche quand on tarde en douce? Tu fais patienter la mort, mais elle nous attend tous. J'ai connu, commis les crimes, j'ai voulu, j'oublie les cris de balles. Maintenant je rappe, j'ai le chromi promis, j'écris des chroniques, on lu les petites scrabs. Trop près de la pique grave. Ça se fait la peau et se taper dessus, bah eux ils kiffent grave. J'pèche jamais la tête, j'ai le couteau sous la gorge, man. Un contredit, c'est lâche, ils trouvent ça normal. Une vie de rêve alors que depuis moi je dors mal. J'suis pas né sous la belle étoile, mais un soir de tornade. La crise d'ado, j'l'ai vite passé, j'ai vite compris que les darons craquent. Ici ça se pute au bar de rire et pas au crack. Un vrai bonhomme ne se juge pas au bras, ni aux liasses, ni aux femmes. Et même pas au gramme, c'est dans la crainte que j'crée mes bases. À la fin des cours, je ne traînais pas. Pas besoin de connaître les maths, pour les vrais, j'comptais mes doigts. À ce qui paraît, faut pas être pâle, mais je connais mes droits. Pour me faire entendre, je faisais parler mes mains, je décollais des droites. Parfois la parole ne nous sert plus, on se sert plus. Dans nos bras, le mot je t'aime, on ne s'en sert plus. Parfois il pleut des larmes sur les joues des gens qu'on aime. Les problèmes, nous, tous les jours, on en connaît. Ici un crime, tous les fous peuvent en commettre. Et l'État n'aime pas du tout le genre de gens qu'on est. C'est un parle blanc désordonné qui n'aime pas les ordonnés par des inconnus. La solitude, je connais dans ce domaine.